Qu'une macaque. Merci pour ta patience, c'est avec nous. Attention, qu'une macaque et des big news concernant notre Gérard de Suresnes. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas eu sur l'antenne qu'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints depuis l'affaire Love Story et qui n'ont jamais entendu parler de ce mec. Alors, est-ce que d'abord tu pourrais nous tailler un petit portrait, si tu pouvais, là, ça en impro total, je te prends comme ça sur le coup, de notre Gérard national. Beau Gérard, Gérard le King de Suresnes, quand même, comme on l'a surnommé, le roi de la moustache. Il faut savoir qu'il a écumé la bande FM avec toi depuis quoi, 4, 5, 6 ans maintenant, spécialiste des grands débats de société du jeudi soir. Exact. Que tout le monde connaît bien évidemment, et qui apparemment, il n'y a pas longtemps, a décidé de disparaître, de refaire sa vie. Et qui est parti s'exiler à l'étranger, notamment, qui fait le tour du monde avec son ex, qui est redevenue sa copine. Donc, pour ceux qui suivent, il a largué son disque, Mac avec Christine. Mmh. Et donc, il a disparu, mais il donne quand même des petites news à des gens qui sont proches, comme moi, par exemple. Et donc, voilà, donc j'ai de nouveau un petit mail de GG qui nous explique ce qu'il a fait dans la dernière... Je m'en frotte les mains. ...quinzaine de jours qui vient de s'écouler. On t'écoute. Donc, salut mon pote, comme d'habitude. Je t'envoie ce petit mail pour te dire que pour nous, tout va bien. On a encore bougé. Donc la dernière fois, si tu te souviens bien, on était en Roumanie, et depuis... Il aurait dû rester là-bas. Ouais, il aurait dû rester, mais il se plaisait apparemment. Ah oui, ça, je veux bien le croire, ouais. Donc, en effet, grosse news, on est à la recherche de la famille et des ancêtres de Christine. Donc ils sont partis dans un délire généalogie apparemment. Ah ouais, d'accord, ouais. Et donc ils ont décidé de retrouver les ancêtres de Christine. Des mammouths. Ah ben tu vas voir. C'est des mammouths. Ça se précise. Alors, il dit, on avait une piste qui nous suggérait d'aller chez les bouddhistes, parce qu'il paraît que dans sa famille, il y a son boudin de mère en fille. Il m'a dit c'est la vanne, le Gildard, là, tout à l'heure. Ouais. On est donc parti vers l'Himalaya, direction l'Inde. On a visité tous les temples, vu tous les bouddhas, mais pas d'indices. Ensuite, on nous a orienté vers les écuries royales d'un maharaja, où une de ses arrière-arrière-arrière-grand-mères aurait été éléphant de défilé. Mais encore une fois, c'était une fausse piste. Donc après, on nous a parlé d'une étrange tribu qui aurait pu correspondre à la description de la famille des ancêtres de Christine, bien sûr. On les appelait les Yétis. Alors on est donc parti pour le Tibet, mais ça n'a rien donné non plus. Donc ils cherchent. Et en désespoir de cause, on est parti pour l'Afghanistan. Il paraît que tout le monde là-bas porte la barbe. Alors comme Christine a une pilosité assez développée, on a voulu vérifier s'il n'y avait pas de relation. Encore une fois, malheureusement, pas de trace de ses ancêtres, mais les Afghans ont kiffé le bouc de Christine. Donc voilà, et ensuite, il lance un petit appel. Donc il me dit, nous n'avons donc pas pu retrouver la famille de Christine. Je lance donc un appel à la Fun Solidarité, bien sûr. Si vous avez des informations, ou si vous avez exercé une profession susceptible d'être en contact avec ses ancêtres, c'est-à-dire dresseur dans un cirque, fossoyeur, chasseur de baleines sur un gage, égoutier, etc. Écrivez un mail à l'adresse suivante, donc il donne sa nouvelle adresse email, c'est yaourtmaster@cotontige.fr. Et puis, ben, en attendant, passe le bonjour à Max et à toute la Dream Team. C'est signé, GG. Ça fait plaisir. En tout cas, Gérard, franchement, je te le dis, si tu es encore en vie, si tu es sur le territoire français, car après tout, bon, évidemment, ça c'est du courrier qui t'a été envoyé. Hein, je ne doute pas de l'authenticité de ce courrier, mais on ne sait jamais, quoi. Il peut y avoir un deuxième Gérard qui aurait la même écriture, un frère jumeau. Par exemple. Si le vrai Gérard de Suresnes, Nanterre, qui est toujours aujourd'hui avec sa Sandy, sa Bibi, s'il nous écoute, si tu es encore vivant, eh ben, tu peux nous appeler, bien sûr, au répondeur 0140 521 521, nous donner signe de vie, bien sûr. Car des fois, j'ai des doutes, j'ai du mal à croire qu'il est parti comme ça du jour au lendemain avec son ex Christine. Ouais, non, c'est vrai. Puis c'est vrai que je reconnais, il n'y a pas beaucoup de fautes d'orthographe dans ce email, et c'est vrai que ça paraît assez suspect. Mais bon, on peut imaginer quand même qu'il y a un petit fond de vérité quand même dans tout ça. C'est clair.